bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue dans ce Lobster 171.0. Un Lobster de fin d'été. On se rapproche de l'automne bientôt. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-ci? Eh bien, c'est le temps des pommes. Oui, moi, samedi, hier, je suis allé aux pommes. Je me suis éloigné un petit peu de la banlieue montréalaise. Je suis allé plus loin. Je suis allé à Valleyfield, la ferme Hubert Sauvé. Donc, pour pas payer trop cher mes pommes, je me suis éloigné. Parce que moi, sur l'île, on a un beau verger, là, à 5 minutes de chez moi, le verger La Bonté. Mais bon, faut payer pour entrer sur la ferme. Je pense que ça coûte 5$ pour un adulte. Puis ensuite, pour 10 livres de pommes, c'est 25$. C'est quand même assez coûteux. Ça revient cher, la pomme. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, comme je fais d'habitude, je me suis éloigné. Je suis allé à Valleyfield. Comme je vous disais, ferme Hubert Sauvé. C'est assez simple, on arrive là, puis la madame, elle nous dit, va à droite du tracteur rouge, continue par là, tu vas voir plein de pommiers, cueille tes pommes, puis reviens, on va les peser. Donc, je me suis ramassé dans un champ hier de pommiers, il devait avoir 1000 pommiers, puis il était comme aligné par groupe de 50, puis devant chaque groupe de 50, il y avait des panneaux qui indiquaient, ça c'est de la Cortland, ça c'est de la Lobo, ça c'est de la McIntosh. Puis, il y avait probablement tous les sortes. Là. Quand je suis revenu au kiosque, sur le papier, il y avait un gros poster « Pommes du Québec ». Puis là, on voyait toute la vingtaine de types de pommes du Québec. Puis, c'est toutes les pommes que j'avais vues au champ. On était quoi? On était une dizaine. Ça n'avait pas de bon sens. J'étais tout seul. J'écoutais ma musique à tue-tête dans le champ de pommes. Puis, je ramassais mes pommes. Mais là, je me suis énervé un petit peu. Je savais que c'était pas cher, là, c'était 1,25 la livre, et je suis revenu avec 35 livres de pommes, ce qui est un petit peu exagéré. Là. J'ai rempli comme deux sacs d'épicerie, mais là, c'est ça, j'ai rempli mes deux sacs, puis en revenant, j'ai dit, ben là, il va falloir les utiliser. Donc, j'ai fait des croustades rendues à la maison, j'ai fait 7 grosses croustades là, que j'ai congelées, j'en ai congelé 6, j'en ai gardé une pour manger. Voilà, c'est le temps des pommes, c'est le temps d'aller faire vos tours dans les vergers. Sinon, quoi de neuf? Eh bien, il y a mon cours de piano qui aurait débuté la session d'automne. Je pense que ça fait maintenant 2 ans. Là, je dépasse les 2 ans de piano en cours. J'étais bien content de recommencer ça. Mon cours est maintenant le mardi à 21h. Et vers 20h à peu près, j'ai une heure avant mon cours, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, je voulais proposer à ma professeure de jouer un type de musique, une chanson que j'avais entendue à Radio-Canada. » C'est une auteure, une pianiste qui se nomme Viviane Audet. C'est un peu, moi je dirais, un mélange entre la musique de Yann Tiersen qui a fait les jolies mélodies là, dans Amélie Poulain. Puis un mélange avec Alexandra Strelinsky. Donc, on peut écouter, je vais faire écouter juste un petit bout de la pièce que moi, j'ai choisi d'acheter pour la jouer à mon cours. En fait, j'ai acheté l'album, son album sur Bandcamp à Viviane Audet. Son album se nomme « Le piano et le torrent ». Puis, je voulais acheter ses partitions, mais pour acheter ses partitions, je pense que c'était 35$, mais il fallait que je le fasse venir de Renaud-Bray ou Archambault, ou de son site. Mais en achetant l'album de musique, qui est 20$, il venait avec les partitions de musique en format PDF. Donc, j'ai pu imprimer le mardi soir, il était 8h20, et je me préparais là, à marcher vers mon professeur là, qui habite à 5-10 minutes de chez moi. Donc, j'étais encore en train, à 8h20, d'imprimer la partition là, que j'avais entendue à la radio puis que je voulais jouer au cours, que je pensais qu'il ne serait pas trop difficile. Mais bon, rendu chez mon prof, elle m'a dit « Oui, tu peux essayer de jouer ça, on va pratiquer pour ça. » Mon niveau est quand même s'améliore, mais bon, il y a des difficultés que je n'avais pas vues. Tu sais, quand on fait juste entendre la chanson, ça semble simple, mais parfois, c'est compliqué. Mais mon prof, c'est ça, c'est l'avantage d'avoir un professeur, ça nous aide à démêler tout ça. Parce que dans la partition, il y a une de mes mains qui joue des notes qui montent, puis dans l'autre, ça joue des notes qui descendent. Donc, pour le cerveau, ça devient compliqué. Mais mon professeur, elle me dit, bien, c'est pas compliqué, gars, c'est des choses qui reviennent tout le temps, là, t'sais, des suites qui reviennent. Puis, elle dit, remarque, elle dit, tes pouces jouent toujours ensemble. Puis à partir du moment où le professeur m'a dit « tes pouces jouent ensemble », c'est comme la deuxième note, ça a comme aidé à débloquer. Je vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que c'est plus simple, disons, avec l'aide du professeur. Là, je suis en train de pratiquer ça. Ça fait une semaine que je pratique. Je suis vraiment pas bon là, quand je débute une chanson. J'ai de la misère à faire la première ligne de mesure. Donc, je travaille fort là-dessus. Donc, je vous fais entendre un petit bout. La chanson que moi, j'ai choisi de jouer se nomme « Barley Coco ». D'après ce que j'ai lu sur Internet, « Barley Coco », c'est un petit coquillage que l'on retrouve sur les rives là, en Gaspésie, d'où vient, je crois, Viviane Audet. Donc, on écoute juste un petit bout de « Barley Coco ». Donc voilà, c'est ça que je suis en train d'apprendre en ce moment, la pièce Barley Coco. Sinon, je veux vous faire entendre une de ses chansons, là, la pièce maîtresse, je pense, de son album qui s'appelle Les Galeries, c'est ça qu'on va entendre. Puis juste avant, je vais vous faire écouter, j'ai été surpris, c'est le fun, quand j'ai acheté l'album de musique, ça venait avec un MP4 aussi, assez enregistré pour nous dire merci. Mais le message qu'elle nous livrait là, à l'achat de l'album, c'est merveilleux. Là, c'est un beau message. Donc, je trouvais ça intéressant là, de le passer. Donc, voici ce que j'ai reçu suite à l'achat du livre. Et ensuite, on écoute sa chanson « Les Galeries ». Salut! Toi, l'ami qui a acheté l'album sur Bandcamp en vinyle, en CD ou en version numérique. Ah! Il y a un oiseau qui te dit « allô » aussi et qui te dit « merci! Merci de l'avoir acheté! » Et c'est juste une petite vidéo pour te dire que l'album, avec ton achat, on t'envoie les partitions. Donc, les partitions sont disponibles. Tu recevras un lien ou si le lien est déjà attaché. Je ne sais pas trop c'est quoi la mécanique du petit lien, mais tu as les partitions avec. Et aussi te dire que d'avoir les partitions te permettra ben, de jouer les pièces si tu as envie. Et que à quel point ça me touche de savoir qu'il y aura les partitions sur ton piano et que tu auras envie de partager les pièces. Et surtout te dire que ta version de Les Galeries ou ta version de « Ici un jour tu reviens, les oiseaux te feront un passage » ou ta version du jour craque sera la bonne. Ce sera la bonne version. Tes nuances seront les bonnes. Tes petites notes à côté seront les bonnes. Ton cœur que tu y mettras sera le bon. Bon piano. Thank you. quelle belle musique. Sinon, cette semaine, c'est le début du Lobster, est un épisode. Elle va se faire plus en musique. Un soir, cette semaine, là, j'étais dans mon lit. Il devait être minuit, puis je me rappelle plus trop qu'est-ce que je faisais. Je devais être en train de regarder des vidéos sur mon téléphone. Puis là, je me suis mis à aller dans YouTube. Et là, l'intelligence artificielle, l'algorithme qui me présente des choix, me présentait des musiques que moi, j'avais déjà taguées, mais il me rajoutait d'autres musiques qui pouvaient m'intéresser. Mais là, l'algorithme mettait... Ça avait pas de bon sens. Il me présentait juste des choses que je disais, wow, c'est donc bien bon ça. Puis là, je faisais un Shazam dessus. Puis ça, bien, ça s'est accumulé. J'en ai plein à vous faire écouter. Donc, on écoute ça. Les chansons là, que j'ai mis dans mon Shazam cette semaine, bien, un soir cette semaine. Donc, on va écouter ça. Puis ensuite, je vous passerai là, l'épisode de numéro 2 du Grenier Pop. Enfin, de Lobster, parce qu'il y en a peut-être qui sont déjà abonnés. J'ai vu que sur le site de CBL, ma page d'émission, là, tout est créé. Et ils ont créé aussi, ils envoient le podcast là, dans Apple Music, dans tous les outils là, de podcast. Donc, on peut s'abonner aussi au Grenier Pop directement pour le recevoir le vendredi quand il sort. Donc, voilà. Donc, on débute en musique avec la chanson « Only You ». We'll be right back. clochard qui sont les dieux, qui les chiens, qui peut savoir. Au milieu des masses et des passions silencieuses, qui peut savoir. Parmi tous ces points serrés, pour ses premières chansons. C'était un peu plus pop. Mon algorithme commence à avoir beaucoup de chansons pop dedans, vu que j'en cherche pour le grenier pop chaque semaine. Mais sinon, j'ai vu passer des vieilles chansons que j'écoutais là, un peu plus metal, un peu plus punk. Donc, on écoute deux que j'ai fait un Shazam dessus. Puis je vois que j'ai fait du Shazam, comme je vous disais, à partir de minuit. Puis les dernières que j'ai fait Shazam, c'était, il était minuit 40. Donc j'en ai écouté pendant quasiment une heure à écouter les musiques que l'algorithme de YouTube me proposait. Donc on débute avec la chanson Ville des Ghouls et on poursuit avec Only for the Weak d'un bon groupe que j'aime depuis toujours, In Flame. Comme si tout était fermé. Je souris. from Sweden tonight, but we feel like we're home, you know? Sol Lobster 171.0. On est prêt pour le dernier bloc musical. C'est plus dansant. Dernier bout, c'est on va entendre Magic Mountain du groupe Holoship et la chanson Tender de Plantech. Sinon, après, je vous passe le Grenier Pop épisode 2. C'est l'épisode où je parle d'arcade. Je vous avais dit la semaine passée là, que le jeudi, j'étais allé passer la journée. Ben, pas la journée, mais un peu de temps à l'arcade. J'ai joué à des jeux et c'est de ça que je parle dans le Grenier Pop épisode 2. Donc, merci d'avoir été là. Donc, soyez là la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3 du Grenier Pop. Il est déjà enregistré et je parlais de quoi? Ah oui, je parle de bande dessinée. Je donne mes conseils pour acheter des bandes dessinées, qu'on soit petit ou grand. Et je livre là-dedans quelle est ma BD préférée. Donc ça sera la semaine prochaine. Donc merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô? Bienvenue dans le Grenier Pop sur les ondes du 101.5 CIBL. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour sortir avec vous de vieux souvenirs de mon grenier. Cette semaine, dans le Grenier Pop, j'avais le goût de jaser d'arcade et de vieilles consoles avec vous. Moi, de par mon âge, je ne vous le cache pas, j'ai 51 ans, eh bien, j'ai eu la chance de voir la majorité des vieilles consoles passer. Et je possède encore mes toutes premières. J'ai encore mon Atari 2600 avec Pitfall, que j'ai d'ailleurs essayé de terminer l'année passée. Et, bon, je ne vous cache pas que je n'y arrive pas. Pitfall, si vous vous souvenez, c'est le petit bonhomme qui saute par-dessus des crocodiles en criant. Mais plus souvent qu'autrement, le son qu'on entend, c'est celui d'un crocodile qui nous mange. Et pour terminer ce jeu, il faut en 20 minutes ramasser 32 trésors. Il y a 32 lingots d'or à ramasser. Et pour faire ça, il y a comme un chemin optimal. Des fois, il faut descendre dans le niveau sous-sol et partir à contresens. Bref, il y a un chemin complexe à suivre pour réussir le jeu. Puis moi, ben, il me manque toujours de temps. Je meurs par manque de temps avec seulement 3 tableaux à traverser. Mais bon, c'est comme ça. Les vieux jeux étaient toujours impitoyables. Pas de sauvegarde et pas de chance. Tu réussis ou... Mais avant que ce beau monde des jeux vidéo se transporte dans nos maisons, moi j'ai eu la chance de vivre l'expérience des jeux vidéo dans les salles d'arcade qui à l'époque étaient remplies de gens. C'est là qu'on découvrait les jeux là à l'époque. Parfois, il fallait même mettre son 25 sous sur la vitre de la borne d'arcade pour annoncer qu'on voulait jouer. Si on voulait jouer une borne d'arcade qui présentait un nouveau jeu ou un jeu populaire, c'était la façon de procéder. Mais avant de replonger dans mes souvenirs, je me suis justement renseigné sur l'économie des bandes d'arcade. Et j'ai appris ceci. Dans les années 70 et 80, acheter une borne d'arcade, c'était un investissement qui était quand même assez important. Il fallait payer entre 2000 et 4000 $ US selon le jeu et la machine. Des hits comme Space Invader ou Pac-Man se vendaient autour de 2500 $ là-bas. Mais bon, la rentabilité pouvait être fulgurante. Chaque partie coûtait évidemment 25 sous. Une machine populaire, je lis que pouvait nous rapporter jusqu'à 2 à 400 $ par semaine, soit 800 à 1600 parties jouées. Lors du lancement de Pac-Man en 1980, certaines bornes dépassaient 1000 $ de recettes dès la première semaine. Donc, en 2 ou 3 mois seulement, la machine, elle, était remboursée. Et ce que je peux lire, c'est qu'à son apogée, en 1981, l'industrie de l'arcade générait jusqu'à 8 milliards de dollars US aux États-Unis, tandis qu'au Canada, c'était plus modeste. On parlait de centaines de millions. Mais pour cette époque, ça reste des gros chiffres quand même. À Chicoutimi, où j'habitais dans ces belles années 80, on avait 2 salles d'arcade. Toutes les deux étaient situées sur la rue Racine au centre-ville. L'une d'elles, qui se nommait, je crois, de mémoire Amusebec, était juste à côté de la bibliothèque. Il était vraiment proche, les deux locaux partageaient même un mur mitoyen. C'était assez comique, car les deux entrées étaient l'une à côté de l'autre, donc il fallait choisir, ouvrir la porte de l'arcade pour aller brûler en enfer ou celle du savoir. Moi, je me cassais pas la tête. Je n'avais pas ce dilemme moral. Je commençais toujours par aller jouer 1 $ à l'arcade, puis ensuite, j'allais me plonger le nez dans mes BD préférées. Peut-être l'avez-vous reconnu, ce petit interlude musical qu'on vient juste d'entendre est tiré d'un film, dont le sujet principal nous permet de nous replonger justement dans l'univers des arcades. Moi, c'est un film que j'aime bien, c'est le film « Pixel. C'est sorti en 2015. On y retrouve là-dedans Adam Sandler qui a des problèmes avec des extraterrestres. Ceux-ci attaquent la Terre en prenant la forme des plus grands classiques de l'arcade, soit Pac-Man, Donkey Kong, Centipede et plein d'autres. Résultat, l'humanité doit confier son destin à d'anciens champions de jeux vidéo pour être sauvés. Donc, on écoute une partie de la bande-annonce pour se redonner le goût de voir ce film. Il y a 30 ans, la NASA a lancé une capsule témoin dans l'espace, avec l'espoir de contacter des formes de vie extraterrestres. Selon moi, une puissance alien a envoyé des jeux vidéo à l'assaut de la Terre. Ça me paraît logique. C'est une menace d'un genre inédit. Il nous faut des experts en jeux vidéo. Sam Brenner, champion du monde de Pac-Man. Ça boum. Ludlow Lemonsoff, meilleur score de tous les temps à Centipede. Aussi connu sous le nom de... Votre pire cauchemar. Eddie Plant, le cador de Donkey Kong. C'est une plaisanterie. Oh ouais. Anticipez le cycle. Je connais pas le cycle. Il y a que des fantômes qui peuvent dégommer Pac-Man. Vous voulez des fantômes? Voilà vos fantômes. Tous aux abris! Pac-Man a 10 secondes pour nous avaler! On va assurer. Sinon, c'est la fin du monde. Il faut aller les affronter sur leur terrain. Donkey Kong. Le seul jeu où t'es nul. Je vous présente le créateur de Pac-Man. Professeur Iwatani, où est-ce que vous allez? Je vais le voir. C'est mon garçon. Alors, mon petit ange à moi, qu'est-ce que tu as grandi? C'est trop mignon. Il est trop mignon. Tu es un bon garçon. Ah! Détruisez-moi ce machin! Donc, c'était la bande-annonce du film Pixel, le film que je vous recommande de voir ce soir pour bien démarrer le week-end. Maintenant, on fait un petit saut dans le temps pour parler d'un jeu culte d'arcade qu'on a aussi eu sur nos consoles de jeux par la suite. Faut-il que je vous donne son nom? Eh bien non, pas pour les vrais connaisseurs. Ce ne sera pas nécessaire. Juste d'entendre les sons du combat vont faire frémir vos doigts, réveiller vos réflexes et rappeler ces parties où chaque mouvement demandait une vraie maîtrise. Oui, ce jeu n'était pas juste le fun, il mettait nos talents à l'épreuve. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est le bruit du jeu Street Fighter, sorti en arcade en 1987. Mais c'est Street Fighter 2, son successeur, arrivé en 1991, qui a révolutionné à sa façon le jeu vidéo. Dans le 2, on pouvait choisir de personnifier un des 8 combattants. Chacun avait son style, son pays d'origine et surtout ses coups spéciaux. Mais bon, comment connaître la façon de faire ces fameux coups spéciaux qui nous aidaient à remporter la partie? Ah ah, eh bien parfois, ils étaient simplement écrits au crayon feutre sur le côté de la machine. Et oui, c'était pas rare de voir des notes laissées par d'autres joueurs sur les machines. Sinon, pour ces moves spéciaux, on pouvait évidemment les découvrir au hasard à force de jouer et de tourner le joystick dans tous les sens. Ou, bon, la meilleure façon était simplement de demander à un joueur plus expérimenté de partager ses secrets avec nous. Donc, c'était pas rare qu'un bon joueur, après sa partie, nous montrait comment faire. Comme il y avait deux joysticks sur la bande d'arcade, il pouvait nous montrer et nous, on l'imitait avec le deuxième joystick pour retenir le mouvement à faire. Et évidemment, s'il nous restait 25 sous, on pouvait l'expérimenter à notre tour. Moi, à ce moment-là, j'adorais jouer avec Ryu. C'est le combattant habillé en blanc qui avait pas mal les mêmes coups spéciaux que Ken, celui habillé en rouge. Il pouvait faire le fameux Hadouken! Et oui, le fameux Hadouken! Bon, c'était la boule de feu qui se faisait avec quart de cercle avant plus le point. Donc, plus précisément, devant la borne d'arcade, on devait envoyer le joystick vers le bas, ensuite diagonale vers le bas droit et finalement coup vers la droite plus le coup de poing. La boule de feu, c'était probablement un de mes coups favoris parce que si l'ennemi ne l'évitait pas, ça l'immobilisait pendant un petit instant. Ensuite, un coup semblable, mais avec le pied. Le coup de pied tornade qui se faisait avec le corps de cercle arrière plus le pied. Donc, joystick vers le bas, diagonale vers le bas gauche et gauche plus pied. Moi, c'était surtout ces deux coups spéciaux que j'utilisais parce qu'ils étaient faciles à retenir et faciles à exécuter. Mais il y avait aussi le coup de poing super rapide. Le bras de Ryu se mettait à frapper à une vitesse folle. Pour le déclencher, il fallait enchaîner droite, bas, bas, droite, plus poing. Bon, ce coup était pratique quand l'ennemi s'approchait trop et combattait au sol, mais moi j'étais plus du style à sautiller, donc je bondissais un peu partout en lançant des boules de feu, donc j'avais moins besoin de l'utiliser. Et vous savez quoi? Eh bien, jeudi passé, je suis allé à l'arcade Amusement 2020 à Laval et dans la salle vintage réservée aux vieilles machines, il y avait justement la borne d'arcade Street Fighter 2. Bon, par contre, je me souvenais pas à ce moment trop des commandes et des coups spéciaux. Et comme ça faisait bien des années que j'avais pas combattu, j'étais pas très en forme. Résultat, Ryu n'a pas été très majestueux et il s'est incliné rapidement. Bon, mais malgré tout, cette visite à l'arcade m'a rappelé une chose. À part le prix, le fameux 25 sous là, qui a été remplacé par le 1$ maintenant, par partie, eh bien, pour le reste, ça n'a pas tant changé. Donc, j'ai eu, je peux vous le dire, autant de plaisir. Cela dit, les jeux vintage paraissent maintenant bien modestes face au grand succès actuel. J'ai vu une borne d'arcade de Minecraft Donjon Arcade. Le jeu avait l'air vraiment le fun. Il se joue à 4 en même temps et les graphismes sont tout simplement impressionnants. Mais bon, je ne l'ai pas essayé. Je crois que c'est l'équivalent de jouer à Gauntlet, pour ceux qui s'en souviennent, 4 aventuriers dans un donjon. Donc c'est un peu la même chose. Et ce qui est le plus amusant, c'est évidemment d'être plusieurs à affronter les autres ennemi. Donc, je n'ai pas essayé le jeu de Minecraft là, qui se jouait à 4. Alors, jeudi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rabattu sur mes classiques, qui, mine de rien, ont quand même évolué. Mais, avant de vous parler de leur évolution, on va écouter un petit peu de musique. Pour rester dans l'ambiance grenier pop, je vous propose une petite pépite un peu oubliée des années 80. 1987, pour être précis, elle nous vient d'un groupe qui n'a sorti, bon, de mémoire qu'un seul single célèbre, le groupe Delta Zone avec la chanson Un appel dans la nuit. C'est un morceau un peu électropop, typique de l'époque, plein de synthétiseurs et de nostalgie, et que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu résonner dans les salles d'arcade de l'époque ou vu tout simplement à Pop Express. Alors on le réécoute sur les ondes du 101.5 CIBL, Delta Zone, Un appel dans la nuit. Tu vas changer. Pense-tu qu'un jour tu vas te réveiller? Avant la pause musicale, je vous disais qu'à l'arcade, nos classiques avaient évolué. Eh bien, jeudi passé, j'ai pu jouer à Space Invader sur un écran tout simplement immense. Et cette fois, pas de joystick, non, j'avais un gros gun dans les mains pour exploser des rangées d'aliens qui descendaient vers moi. Et oui, Space Invader, pour vous le rappeler, là, c'est ce jeu où une horde d'extraterrestres descend vers nous en rangée bien ordonnée et nous faut les exploser avant qu'ils soient rendus en bas. Et cette version modernisée du jeu se nomme maintenant Space Invader Frenzy. Space Invaders. Et qui se trouvait à côté de Space Invader? Et oui, un autre grand classique était là, le jeu Pac-Man, mais sur un écran tout aussi gigantesque. Le jeu s'appelle maintenant World Largest Pac-Man. Ici, pas de grand changement d'après ce que j'ai pu voir, parce que je ne l'ai pas vraiment essayé, mais en regardant tout ce qu'on voit, eh bien, c'est que c'est simplement la taille de l'écran qui est rendue immense. Le jeu, lui, n'a pas changé. Donc, pour se le rappeler, j'ai quand même enregistré le bruit d'une partie de cet ancêtre qui, on doit se le rappeler, arrivait à l'époque avec un concept non violent, accessible à un public plus large, ce qui a aidé à élargir à l'époque la clientèle des arcades. Donc voilà pour ma visite à l'arcade, c'était vraiment bien. Donc ce week-end, si vous avez des enfants, eh bien vous savez quoi faire. Moi j'ai deux garçons qui sont maintenant adultes, mais quand ils étaient jeunes, ce n'était pas rare là, que je les amenais à l'arcade sur Sainte-Catherine. Maintenant, cette arcade là où j'allais n'a pas survécu, je crois qu'elle a fermé durant la pandémie ou juste un petit peu avant. Mais bon, il y a des nouvelles arcades qui ont ouvert, je vous laisse trouver les adresses sur Internet. Maintenant, quand je réfléchissais à cette émission du Grenier Pop, je me suis demandé, moi, dans ces belles années de l'âge d'or de l'arcade, dans quel jeu j'ai englouti le plus d'argent. Mon père me donnait à l'époque 1$ par jour que j'allais jouer quasiment tous les jours d'école durant la pause du midi. Je partais en courant, je mangeais ma sandwich en route, ce qui me laissait un 30 à 40 minutes pour jouer à l'arcade. Et je jouais majoritairement à quoi? À Pac-Man? Non. Bon, je l'ai bien sûr essayé, là, c'était un jeu emblématique, mais Pac-Man était trop difficile à mon goût. J'en avais pas pour mon argent si je jouais à Pac-Man. Et en réfléchissant, j'ai retrouvé ce jeu où je pouvais maximiser mes 4,25 sous. Je vous laisse donc une chance de deviner par le son. Peut-être que certains le reconnaîtront, ce fameux jeu. Et oui, ce fameux jeu Bubble Bubble, sorti en 1986, est tellement simple et amusant. Dans ce jeu, on était deux petits dragons nommés Bud et Bob et on crachait tout simplement des bulles pour attraper nos ennemis. Dès qu'un ennemi était dans une bulle, ne restait qu'à sauter sur la bulle pour la crever et ainsi détruire le monstre. Une fois tous les monstres tués, on passait au prochain niveau. Et tous les niveaux étaient différents. Il fallait sauter un peu partout pour rejoindre les monstres et les mettre dans des bulles. De mémoire, il y avait 100 niveaux différents et ce jeu se jouait à deux. C'est en fait ce qui a fait son succès. C'est un jeu qui avait été pensé pour être joué en mode coopération avant tout. Ce qui, pour l'époque, était quand même assez rare d'avoir un vrai jeu pensé pour deux avec de la synergie et de l'entraide. Pour ceux qui s'en rappellent et qui ont déjà joué à ce jeu-là à deux, ce qui arrivait, c'est que les monstres qu'on emprisonnait dans les bulles se ramassaient souvent en flottant dans le haut de l'écran. Donc, un des joueurs pouvait rester plus vers le haut pour jouer. Donc, quand les monstres arrivaient en haut, ils pouvaient crever les bulles. Et l'autre joueur pouvait se promener dans l'écran à la chasse là, des monstres qui se trouvaient un petit peu partout. Donc, Bubble Bubble, un jeu qui a contribué à l'idée que jouer ensemble pouvait être encore plus amusant que se battre l'un contre l'autre. Maintenant, un autre jeu dans mes favoris de l'arcade. Aussi le fun à jouer qu'à regarder être joué. Encore une fois, je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner le nom du jeu. C'est un classique, il pouvait se jouer aussi à deux. C'est un jeu de combat. On y incarnait les frères Billy et Jimmy Lee, l'un en habit bleu et l'autre rouge. Et oui, vous l'avez peut-être reconnu, le jeu Double Dragon de 1987. C'était un jeu de bataille, on avançait vers la droite en essayant de battre les ennemis et les boss qui se faisaient toujours de plus en plus forts. Ce jeu, moi je trouvais qu'il était juste assez difficile et divertissant, car il nous faisait nous promener dans de jolis tableaux représentant divers endroits. Mais bon, pour que ce soit le fun, quand tu jouais à deux, un des moments clés de ce jeu était la traversée du pont brisé. C'était quand même assez loin dans le jeu. À un moment donné, on arrivait dans une forêt et il y avait un genre de pont en bois coupé en deux. Et il fallait sauter par-dessus l'eau pour traverser. Mais bon, la twist à deux, le truc pour ne pas mourir, c'était de bien se synchroniser. Si un des joueurs essayait d'aller trop vite vers la droite et sautait, il se faisait avoir à tout coup et tombait dans l'eau, ce qui voulait dire que tu perdais une vie. Donc, à cet endroit, le truc, c'était de laisser le temps au jeu de faire apparaître le bout du pont où on devait retomber. En plus, dans ce bout de jeu de forêt et pont, si je me souviens bien, il y avait même un monstre assez fort qui nous attendait au pont. Donc, tout allait mal à cet endroit, la fin arrivait quand même assez vite. Mais bon, une fois qu'on avait compris, on essayait de ne pas refaire la même erreur si on jouait à deux. C'était un peu ça l'arcade, à force de jouer au même jeu, de répéter les mêmes choses, on devenait bon. Et pour être bon dans ce jeu, il y avait un autre moment clé. C'était de ramasser le bat de baseball. À un moment donné, un des méchants laissait tomber le bat de baseball et on pouvait le ramasser. Et avec ça, si tu étais bien synchronisé pour frapper les méchants, ça aidait beaucoup, car de mémoire, ça mettait quasiment les ennemis KO du premier coup. Donc, Double Dragon, un jeu dont je n'ai jamais vu la fin à l'arcade, mais j'ai lu pour vous, en préparant cette chronique, que paraît-il, il y avait une twist si on parvenait à se rendre à la fin en jouant à deux. Les deux frères, Billy Lee et Jimmy Lee, après avoir battu le dernier boss, ne délivraient pas Marianne immédiatement. Car oui, bon, dans ce jeu, on se battait pour sauver la jolie fille à la fin. Donc, si on arrivait à battre le dernier boss à deux, les deux frères devaient s'affronter l'un contre l'autre pour savoir qui gagnerait le cœur de Marianne. Et oui, il fallait se tapocher entre nous pour déterminer un gagnant. Pour le plaisir, j'ai été voir cette finale dans une vidéo sur YouTube. Donc, Billy, après avoir vaincu Jimmy, son frère, délivre Marianne qui le récompense d'un baiser. On écoute cet extrait final. Voilà qui clôt notre voyage d'aujourd'hui dans l'univers des bandes d'arcade des années 80 avec leurs mélodies synthétiques et ses sons métalliques si caractéristiques. En passant, ce style de musique créé avec les puces sonores des vieilles consoles et bandes d'arcade se nomme chiptune. Si vous aimez, vous pouvez retrouver de nombreuses chansons de ce style dans vos plateformes musicales pour continuer l'aventure. Merci d'avoir été là avec moi dans le Grenier Pop. L'émission est disponible en rattrapage sur vos plateformes de podcast. Il suffit de chercher le Grenier Pop ou de vous rendre sur la page de la station CIBL1015.ca pour retrouver toutes ces informations. Donc, merci d'avoir été là. C'était Frédéric Lavoie qui vous dit à la semaine prochaine. Des souvenirs, on fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop, le Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux, on pop, pop, pop, le Grenier Pop. Le Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux, on pop, pop.